j'aime. Jamais cède, y'avait trop de choses qui me gênaient dans ma zone. Jeune fille devenue Amazon, devant tant de gens massaux, ramassant sur le fil du rasoir les coups durs, les mauvaises rencontres dues au hasard. 93, l'écriture pour m'évader. 97, les spécialistes du part, nouveau départ. Mais une longue route à traverser, plein de rêves d'espoir, de doute à traverser vers sans percer. Mais on continue comme une coutume, tout sans verser sur papier, sans palper beaucoup de thunes. Avant que le rap prenne un gros coup de pub, on était là pour l'amour du son, faire en sorte que chaque écoute tue. On m'a tiré vers le bas, je me suis accroché en montant pas à pas. Même si le chétan s'est approché, je me suis projeté d'être un jour dans les bacs et loin des blocs. Et Star System ne pourra pas craquer. On prend la parole comme une arme avec du talent et des tripes. On surmonte les épreuves, on réalise nos rêves. Des fois j'ai des visions sales, on a le choix de ce qu'on décide. Ici voilà la preuve, on s'accroche à nos rêves. On prend la parole comme une arme avec du talent et des tripes. On surmonte les épreuves, on réalise nos rêves. Des fois j'ai des visions sales, on a le choix de ce qu'on décide. Ici voilà la preuve, on s'accroche à nos rêves. Je m'accroche à mes rêves comme ma plume se greffe sur les strophes, se grave dans la tête quand le temps s'arrête, quand l'heure est proche. Parti de rien, à l'assaut du monde, la rage de conquérir le mic en main. C'est mon arme avec des pages pour convertir. J'arrive dans le glam, y'a plus de place et le ghetto prendre. Peu d'avenir en face, rêve de faire un coup comme Jackie Blanc. Avec du talent et des tripes, je laisse parler mon cœur. Mon éthique c'est d'être sincère et je fais terner mon cœur. Dans ce milieu y'a pas de fair play, ni de mec zen. On prend notre place, les affaires c'est. Ici y'a pas de succès sans fair play. Rien n'est impossible et surtout pas les combats insensés. Hier c'était impensable, aujourd'hui je suis récompensé. Si t'écoutes ce type man, c'est que j'ai bossé comme Hercule. On perdure, on perdure. Dans ce pays je crame l'argent, fais tourner le monde. Et moi je suis pas un bénévole, plus de 10 ans au front. Je connais la vie et je l'ai fait. La parole comme une arme avec du talent et des tripes. On surmonte les épreuves, on réalise nos rêves. Des fois j'ai des visions sales, on a le choix de ce qu'on décide. Ici voilà la preuve, on s'accroche à nos rêves. On prend la parole comme une arme avec du talent et des tripes. On surmonte les épreuves, on réalise nos rêves. Des fois j'ai des visions sales, on a le choix de ce qu'on décide. Ici voilà la preuve, on s'accroche à nos rêves. Mes rêves font grève, quand la poisse à ma peau se greffe. C'est marche ou grève, alors on court parce que le temps nous presse. Sous pression, car on voit pas l'horizon. L'heure résonne dans nos têtes fous, loin de leur raison. Je suis prêt à tout, à tout, pour voir le bout du tunnel. Quel qu'en soit le coup, j'accepte les coups du duel. Personne ne pourra m'empêcher de rêver. Je veux saisir ma chance et laisser mes péchés dériver. Ça fait longtemps que j'erre dans l'ombre, j'étais là, mais tu me voyais pas. Normal ce flon, pour le succès, je veux un aller simple. On réussit pas sans secours. Merci à ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous soulagent, car les épreuves sont toujours soudaines. Pas de mytho dans mes textes pour trouver l'inspiration. Tra du garçon, c'est du vécu en respiration. Braver les épreuves pour réaliser mes rêves. Aujourd'hui, j'amasse les preuves. Au studio, ma voix s'élève. On prend la parole comme une arme avec du talent et des tripes. On surmonte les épreuves, on réalise nos rêves. Des fois j'ai des visions sales, on a le choix de ce qu'on décide. Ici voilà la preuve, on s'accroche à nos rêves. On prend la parole comme une arme avec du talent et des tripes. On surmonte les épreuves, on réalise nos rêves. Des fois j'ai des visions sales, on a le choix de ce qu'on décide. Ici voilà la preuve, on s'accroche à nos rêves.